une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, une histoire particulière va vous faire découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. Alors on part. Septième semaine, septième étape. Après le manoir de Bois-Laris et la pouponnière nazie, promis, ce ne sera pas très loin. À peine une trentaine de kilomètres dans l'Oise, dans la voiture, en 50 minutes de transport, on a le temps d'écouter le podcast de la série musicale sur France Culture sur le thème « Faire tomber les murs », en particulier celle d'Élodie Maillot et Jean-Christophe Francis sur Woodstock. Et pour cause, c'était il y a 50 ans, les 15, 16 et 17 août 1969. Le producteur, Joël Rosenman, se souvient. Au-delà de l'affluence historique, Woodstock a dépassé le cadre musical et marqué l'histoire des États-Unis. C'était un événement pacifique, sans l'ombre de police ou de service d'ordre. Woodstock a tout permis, même la marijuana, malgré son interdiction légale. Woodstock fut le plus grand concert rock de tous les temps, et à la surprise générale, une invraisemblable migration. Restons dans cet esprit de musique et d'artiste, et poussons la grille du château d'Hérouville, où nous nous trouvons. Philippe Roisès et Lionel Quentin s'occupent du reste. Les folles années du château d'Hérouville. Un documentaire de Philippe Roisès. Le château d'Hérouville, c'est une histoire de mythes et de légendes. Cette belle demeure, située à une quarantaine de kilomètres de Paris, fut construite, dit-on, sur les ruines d'un ancien château fort. Un temps devenu relais de poste, l'écrivain Georges Sand et le compositeur Frédéric Chopin s'y seraient retrouvés pour des rendez-vous amoureux. Dans les années 50, elle appartenait à la fille de la romancière Colette. C'était avant que le château devienne une histoire de musique et de cinéma. Le parc fait, de mémoire, 1,2 hectare. Et le château, avec les deux ailes, ça doit représenter 1000 mètres carrés habitables, quelque chose comme ça. Franck Ernoux, journaliste et auteur. Les tables qui se mettaient ici avec 10, 15, 20, 30 convives. Et puis paf, quand on avait trop chaud, on allait dans la piscine. La piscine, elle est là. Alors ça aurait été il y a 3 ans, 4 ans maintenant, ça passe vite. Imaginez, il y avait des roseaux, il y avait des arbres qui avaient poussé dedans. Le château, il représente quoi pour les gens aujourd'hui? Alors ceux qui sont maintenant, qui ont 30, 40, 50 ans, l'ont pas connu puisqu'il a fermé en 85. Donc ils idéalisent un peu, ils étaient très curieux de voir comment c'était réellement, parce qu'il y a plein de légendes hein, autour de l'endroit. Derrière la piscine, il y avait un beau jardin de rocailles. Alors là, il en reste quelques vestiges. Alors tout ça, c'est Magne qui l'a planté, qui l'a conçu. J'imagine que ça devait être laissé à l'abandon. Le puits, il était là par contre, c'est pas lui qui l'a construit. En revanche, ce qu'on va voir dans le fond du château, l'espèce de tour, qu'on appelle ça en Corse, les tours génoises. C'est pas tout à fait ça, c'est pas pour faire le guet. Mais le cèdre pleureur qu'on voit là, la rocaria, j'imagine que c'est lui qui l'a planté. Là, c'est le tennis, ce qu'il en reste. Donc ça, pour en revenir à la tour génoise, ça a été construit par Michel Magne. Il n'y avait pas ça avant. Et donc c'était un peu ça, comment on va dire. Si on il n'y a pas la passerelle, mais si vous allez dedans, là vous rentrez, paf, une petite cheminée, et en haut, là, c'est un plateau. Donc officiellement, c'était pour bronzer tranquille, dans tous les états de nudité envisageables. Alors évidemment, après, il s'est passé d'autres choses, et donc c'était connu, quand il n'y avait pas le ponton, il fallait éviter de rester. Michel Magne, c'était quelqu'un d'assez atypique, en fait, assez provocateur, qui pouvait être très drôle, qui pouvait être colérique aussi, qui avait une intuition de certaines choses très, très, très, très puissante, qui a toujours foncé, c'est un peu ce qui a provoqué sa perte. Quelqu'un qui était très convivial aussi, qui aimait bien voir toujours beaucoup de gens autour de lui. Toujours très optimiste, très fonceur, c'était son image. Et derrière, en fait, il y avait quelqu'un de plus tourmenté. Né en 1930 en Normandie, Michel Magne est le cinquième enfant, particulièrement turbulent, d'une famille de huit. Ses parents, catholiques fervents, viennent d'un milieu paysan et se sont hissés dans l'échelle sociale. Michel Magne suit une formation musicale classique qui le mènera à Paris. Michel était inconnu, on était tous des inconnus. Serge Moreau, ami de Michel Magne. On vivait par hasard sur la butte, moi. La butte Montmartre. Oui, il partageait un appartement à trois. Il y avait Delassus, je ne sais pas si vous avez vu. Gérard Delassus. Gérard. Et puis un grand vieux bonhomme, Jekyll. Il avait des cheveux rabattus comme ça. Et Jekyll, il faisait du piano dans une boîte de nuit. Et souvent, il y avait trop à manger. Alors le chef, dans une boîte en fer comme ça, empilait tout ce qu'il y avait entre eux, et sous un baba au rhum, il pouvait avoir un reste de rôti, puis un truc comme ça. C'était la vie de bohème. Bon, alors Michel, il a grandi, il s'est bien débrouillé, parce que arrivé à Paris, tout le monde sait qu'il faut avoir des appuis, des trucs, il avait rien. Il a tapé aux portes et tout. Michel Magne, Radioscopie, 1970. Je me suis trouvé sans argent pendant très longtemps à Paris, en compositeur fauché, et c'est pas drôle. Et je suis venu un peu au cinéma, disons en égoïste, pour gagner de l'argent. Mais je me suis pris au jeu. Et je me suis tellement pris au jeu que j'ai adoré ce métier-là, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré la musique de film. Depuis 10 ans, vous avez écrit 150 musiques de film. Pas 150, attendez, non, pas 150, j'en ai composé 84, ce qui est déjà pas mal. Oui, mais il faut compter les courts-métrages. Ah oui, alors avec les courts-métrages, il y en a 60 de plus. Mais non, j'ai composé 84 grands films, dont disons 50 très importants. Et j'estime déjà que c'est pas mal, si vous saviez. Envoyez l'image, 27 premières. Alors attention à ce que je vous ai dit. Envoyez. Les premières musiques expérimentales de Michel Magne sont provocantes et burlesques. Coupez la mesure, si. Ne vous faites pas d'illusions, mon cher Magne. Votre musique, à force d'être comique, est essentiellement dramatique, en dira l'écrivain François Mauriac. Bon, allez, on y va, Magne touche ensuite à la chanson et à la musique de ballet. Il fait ainsi la connaissance de sa première femme, la danseuse Monique Vance. Allez, donne un peu plus. Puis, il devient l'un des compositeurs les plus demandés du cinéma français. La musique des Tontons Flingueurs, de Mélodie en sous-sol, des Angéliques, des Fantomas, c'est lui. Et c'est en 1962 qu'il achète le château d'Hérouville et y emménage avec Monique Vance. Quand il faisait quelque chose, il faisait en grand. Il tenait pas qu'à de dire « j'ai invité 60 personnes ». Non, il avait des copains. Allons-nous désaltérer un peu là. Venez, suivez-moi s'il vous plaît. Qui veut nous servir un petit verre là ? Oh, il n'y a plus rien à boire. Que de vin. Une petite vous voulez un petit peu d'air ? Et matin, vous voulez matin ? Un petit peu d'air. Oui, matin. On va finir d'éviter si un peu de. Mais bien sûr, vous êtes normal. Oui, un petit peu. Vous êtes normal. Monique Vance, première femme de Michel Magne. 2014. Il ne pouvait pas vivre seul, Michel. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. Un copain ou une copine, mais toujours quelqu'un. Il détestait se retrouver seul quelque part. Donc, il faisait venir un copain ou deux, comme ça, qui passait la journée avec lui. Et qui le voyait travailler, lui, il s'en occupait pas. Mais il y avait une présence. Quand il travaillait ou composait, voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Mais du coup, il n'y avait pas des profiteurs aussi qui... Eh oui, il y en avait. Je vous citerai pas une famille qui a vécu à peu près 3 ans chez lui, à son crochet. Un autre gars célèbre dans le milieu musical qui a passé 7-8 années de week-end chez lui. Mais il avait des gens qui lui disaient « Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es gentil !» Parce qu'il y en avait des chambres, hein. Il y avait peut-être une vingtaine de chambres, des chambres cellules même, puis des grandes chambres. Michel, il avait une chambre, il avait un lit de presque 2 mètres de large, et par terre, c'était fait avec de la chèvre de Sibérie, et tout le plancher était, on sortait du lit, on avait les pieds dans la fourrure. La vie de château semble emporter Michel Magne dans un tourbillon de grandiloquence entre nouvelles fréquentations et fêtes. Sa femme, Monique Vance, dira que le succès lui est monté à la tête, qu'il avait changé. En 1968, elle le quitte brutalement. L'année suivante, un incendie détruit une aile entière du château, emportant archives personnelles et professionnelles. De plus en plus, je me sens mal à l'aise et malheureux. Cet incendie. Pour l'incendie, oui. Parce que j'ai fait le fanfaron très longtemps avec cet incendie. Quand l'incendie est arrivé... C'était quand, ça? Il y a 2 ans? Il y a de ça 8 mois, maintenant. Ah, ça passe vite. Il y a de ça 8 mois. À chaque fois qu'un gros pépin dans ma vie arrive, je courbe les chines, je laisse passer le pépin, et en général, je supporte très bien les gros coups durs dans la vie. Mais là, il y a quand même un coup dur... Un coup dur qui n'est plus que matériel, parce que le matériel, bon, on retravaille, et puis on reconstruit, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se refaire. C'est-à-dire, l'incendie, c'était une chose, c'est un accident. Voilà, l'incendie, ce qui est grave, c'est tout ce qui a brûlé. Voilà, ce qui est grave, c'est toute ma musique, toute mon œuvre entière qui a brûlé. Et ça, je vous assure que de plus en plus, maintenant, je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise, et j'ai vraiment beaucoup de peine, surtout en y pensant, ça me fait mal au cœur. J'ai perdu toute mon œuvre entière, toute ma musique, et ça, j'arrive pas à l'avaler. Monique s'en va du château. Et Michel vit encore quelques années tout seul au château. Enfin, tout seul, officiellement. Parce que ça, on le sait, hein, Michel était cavaleur. On va pas le cacher. Alors, donc, il a connu Marie-Claude. Elle fait de l'autostop pour rentrer chez elle. Michel s'arrête. Marie-Claude Magne, seconde femme de Michel Magne, 2014. La première fois que je fais de l'autostop, je vous jure que c'est vrai. C'est la première fois que je fais de l'autostop, c'est une Porsche qui s'arrête et c'est Michel Magne. Non mais vous rendez compte, le destin, c'est fou quoi. Et donc j'ai pas eu d'impression, je me suis dit bon, il est sympa, il m'amène là où je vais, c'est tout ce que j'ai eu comme impression. C'est après que j'ai eu des impressions quand je suis allée le voir dans son château. Oui, là ça m'a, il m'a beaucoup impressionné. Il m'a laissé sa carte en me disant qu'il était Michel Magne. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de Michel Magne. Je lui ai dit oui, bonjour, moi je m'appelle Marie-Claude Calvé. Et puis ensuite je l'ai rappelé. J'étais en seconde, j'avais 16 ans. Je suis un romantique et je suis un farfelu, et pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que les véritables romantiques, les romantiques sont des farfelus, je pense, parce que ça va très bien ensemble. Ce sont deux contrariétés, ce sont deux contradictions qui s'opposent et en même temps qui se complètent. J'espère rester toute ma vie un farfelu et j'espère rester toute ma vie un romantique. Michel, il y avait toujours ce côté festif, ce côté bonne chère, ce côté fille, ce côté... Laurent Thibault, musicien, producteur et ingénieur du son. Magne qui était lui-même un grand personnage, quoi, quelque part, et qui faisait des blagues tout le temps. Michel faisait quel des genre blagues. Oh, ben, par exemple, il avait une spécialité, c'est qu'il marchait, puis il fonçait dans un mur. En fait, il se mettait la main là et tout ça, et il tapait avec l'autre main sur le mur, donc ça faisait un grand bruit, et tout le monde était persuadé qu'il s'était cogné, donc il faisait comme s'il était tombé, et tout le monde était là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe, et tout. Alors que c'était des blagues. Et tout était comme ça avec Michel. Alors là, quand on est en arrière, vous voyez, les deux ailes étaient jumelles à l'époque, même si l'aménagement intérieur est différent. Les deux ailes étaient vraiment jumelles. Et là, vous remarquerez l'aile gauche, mais maintenant qu'il y a notre droite, puisqu'on est derrière, l'aile de Michel Magne au début, toute la partie supérieure n'est pas la même. Il n'y a plus le toit comme de l'autre côté. Parce que lui s'était fait une super salle de musique là-haut, et c'est ce qui a cramé dans... Et c'est ça qui a finalement déclenché l'idée de refaire la même chose en mieux dans l'aile à côté. Puisque c'était le même espace, c'était des combles, hein, c'était donc 120, 130 mètres carrés. Sauf que là, il s'est dit, je voudrais enregistrer un petit peu plus professionnellement. De fil en aiguille, il en est venu à créer une société d'exploitation pour le château, en se disant, bon, c'est à moi, mais de temps en temps, je vais faire venir les copains qui voudront enregistrer, je les ferai payer, puis ça me paiera mes factures. Donc ça devient studio commercial. C'est ce qui s'est passé. Donc Michel Magne, il est devenu patron de studio, alors qu'à l'époque, il était au départ compositeur de musique de film, quoi. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Tous les studios parisiens, c'était du béton, c'était dans l'ancien cinéma, il n'y avait pas de lumière du jour du tout, puis quand on sortait, on était en ville, quoi. C'était des studios donc, qui appartenaient aux maisons de disques, qui étaient très donc, hiérarchisés, il y avait une étiquette. Bon, les ingé-sons n'étaient plus en blouse blanche, ça c'était fini, mais ils étaient quand même en chemise et cravate au minimum. C'était des horaires bien précis, par tranche de 3 heures. Il n'y avait pas de communication directe entre l'ingénieur du son et le musicien. C'était pas possible. L'ingénieur du son devait parler à l'arrangeur et l'arrangeur allait voir le musicien. En Angleterre, bon, c'est les Beatles qui ont un peu cassé ça chez EMI. En France, ça a mis plus de temps, mais c'est ici, à Hérouville, que ça s'est fait le mieux. C'est-à-dire, c'est ici que la vitre est tombée entre l'ingénieur du son et le musicien. Et c'est là qu'il a eu cette idée c'est génial, du studio résidentiel qui n'existait pas en France. Son idée géniale, c'était de se dire, bon, bah, les musiciens, les gens, je vais les faire venir de Paris, d'accord, mais ils resteront ici et ils habiteront, ils mangeront, ils dormiront ici. C'est chez moi, ils iront dans le studio, puis après, ils resteront sur place. Quoi. Donc les gens venaient pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'était l'époque où les albums, c'est juste après mai 68, hein, donc il y a toute une liberté, les artistes commençaient à en avoir marre, voulaient travailler différemment. Le studio du château d'Hérouville ouvre en 1970. Il vivote les premiers mois, jusqu'à ce que le gratin de la variété française, les stars du rock et de la pop anglaise, y défilent pour enregistrer leurs disques. Le jeune et inventif ingénieur du son Dominique Blanc-Francard donne ses lettres de noblesse au lieu. Il m'avait dit, quand j'aurai mon studio, qu'on fera les enregistrements, c'est toi qui s'occuperas de la nourriture, de la cuisine, tu seras le cuisinier de la maison. Il dit, ça y est, on démarre l'enregistrement, j'ai du monde, il faut que tu viennes. Parce qu'avec Michel, c'était ça, hein. C'était tout de suite, il savait pas attendre. Il était très impatient. Alors quel genre de cuisine vous faisiez, vous? C'était quoi les plats que vous faisiez? La cuisine française, monsieur. Juin de cette année, le festival d'Auvers-sur-Oise avec une grande vedette annoncée sur les affiches, le Grateful Dead, et on se demandait s'ils viendraient ou pas, ils sont venus. Mais le festival, lui, a eu le sort qu'on connaît, et pendant ces 3 jours de pluie, le Grateful Dead est resté au château, au studio de Michel Magne, et au bout de 3 jours, ils avaient extrêmement envie de jouer. Ils ont joué pour les 200 personnes qui se trouvaient invitées par Michel Magne dans les jardins, avec les 5 tonnes de matériel qu'ont déployé le Dead, pour la première fois en France en concert, à Hérouville, au mois de juin 71, pour Pop 2. Et alors le concert de Grateful Dead en 71, il a lieu où? C'est là, entre les deux ailes, quoi. Ils avaient joué là. Bon, vous imaginez Grateful Dead jouer ici, dans le Vexin, un petit village comme ça. Avec Michel Magne qui voulait... Ça fait beaucoup pour la réputation du château, ça. Le Dead était venu avec toute sa communauté, ils étaient 86. Ils avaient mis tous les amplis autour de la piscine, et les amplis de toutes les couleurs, etc. Et tout. Et Dominique enregistrait tout là-haut. dans le studio. Et c'est vrai que le capitaine des pompiers dansait avec la crémière, que les Dead avaient versé de l'acide dans la nourriture et qu'ils étaient tous plus ou moins faits, comme des rats. Les filles emmenaient les pompiers dans les bosquets. À 7 heures du matin, le capitaine des pompiers retrouvait pas ses 7 pompiers. Il se baignait dans la piscine avec le casque sur la tête. Enfin, c'est quelque chose. Hein. Sur les portes de la tendresse, je t'emmène faire un tour. Nicoletta, elle allait à droite, à gauche. Elle était volcanique, Nicole. Hein, c'était un jour, Nicole, elle passe en vitesse comme ça. Elle me dit bonjour où je poste. Et apparaît, tout doucement, une deux chevaux. Et elle se gare au milieu du parc, là. Et qu'est-ce que je vois? Mais écoutez, c'est la bonne sœur qui sort de sa deux chevaux avec ses cornettes, mais on aurait dit un film de De Funès. Elle vient vers moi, puis elle me dit, c'est ici, monsieur, que on m'a demandé de faire des piqûres. Je dis oui, c'est ici. Parce que Nicoletta, qui avait une vie explosive, elle faisait une chute de tension. Eh ben, je dis, tiens, c'est la dame qui téléphone. Et je dis à Nicole, Nicole, oui, attends. Et nanana. Alors, je tape sur l'épaule de Nicole, je dis, écoute, Nicole, arrête. Et puis, on va te faire la piqûre, viens. Elle remonte sa jupe, elle baisse sa culotte, et au milieu de ma cuisine, la bonne sœur, debout, lui a fait la piqûre. Allez-y, ma sœur, et pan! Un coup dans le caleçon. Sur les bords de ta peau douce, laisse-moi me promener. Chaque baiser sur ta bouche, chaque cheveu que je touche, me donne envie de t'aimer. Il y avait un musicien, chanteur, je ne sais pas si vous l'avez connu, parce que ça passe tout le temps, Daniel Gérard. Et alors, Blanc-Fancard n'aimait pas du tout Daniel Gérard. Et un jour que Daniel Gérard était parti, je ne sais pas où, ils ont passé un fil des studios d'enregistrement, ça fait long, et c'est allé dans la chambre de Daniel Gérard. Ils ont mis le micro, je ne sais pas où, parce qu'on disait que dans le château, il y avait un fantôme. Et à minuit, 1h du matin, ils ont mis le truc en route et puis ils ont fait et sur un croisillon, ils avaient mis des oripeaux et ils secouaient les oripeaux par la fenêtre. Je peux vous dire que le lendemain matin, l'atmosphère était froide. Il y a deux groupes qui avaient été produits par le bassiste des Rolling Stones à l'époque, qui avaient bien, ça avait bien plu. Quoi. Le studio était lancé au niveau des... Il avait une réputation, donc les Anglais, ça allait dépayser aussi complètement de venir ici, en pleine campagne française, et hors de toute pression, de pression de la ville. Et Elton John, David Bowie, tout cela sortaient d'ici. Bon, ils avaient les cheveux orange éventuellement pour Bowie, ils avaient les cheveux longs, donc les... Mais... Ils n'étaient pas connus des paysans, qui leur foutaient une paix royale. Et alors la fameuse chambre où David Bowie a séjourné, elle serait où? La chambre de gauche, là, avec le petit balcon. Donc, vue sur le parc direct, c'était assez sympathique. Hein. Et donc c'est la chambre où il a écrit un graffiti sur le mur, Noël Dorado. Oui, ça doit être là. Donc quand Fleetwood Mac est venu bien plus tard, en 81, il y avait des exigences de l'artiste qui ont été satisfaites parce qu'à l'époque, les maisons de disques payaient tout, quoi. Exemple, il a fallu retapisser de mémoire la chambre en rose, en satin rose, en papier satiné rose. C'était Stevie Nicks qui voulait ça. Donc, ça a été fait. Et le graffiti de Bowie, il était resté sur le mur nu, derrière la couche de satin, de soie. Sans doute. On va dans cette pièce? Oui, le salon. Donc il y a une grande cheminée. Et elle nous raconte quoi, ces photos? Ça, c'est des photos de d'Elton John. Alors, je ne sais pas quel album c'est, puisqu'il en a fait trois ici. Donc, il y en a une qui est dans le studio du haut. Et la photo à côté, elle, elle a été prise dans l'ancienne véranda. Enfin, elle existe toujours, mais elle est en mauvais état. La véranda, donc, qui est sur le côté de l'aile gauche. Et c'est là qu'on déployait des tables qui pouvaient faire 10 mètres, 15 mètres de long. Là, ils doivent être une vingtaine, une trentaine à table. C'est Elton John avec toute l'équipe. Et quand c'était fini, le repas, ben on repliait la table et puis on sortait le ping-pong. Et ça, c'est la photo qui est en dessous. Il y a le ping-pong, il y avait le flipper, il y avait le baby-foot. C'était l'acoustique là. Elton John est arrivé, ils sont arrivés une dizaine, ou peut-être 12. Et je leur demande tout de suite, qu'est-ce que vous voulez manger? Et on me répond, à la française. Et vas-y. Pendant 2-3 jours, j'y vais sur la pointe des pieds. Je commençais par un rôti frites. Ça passe, après un peu plus compliqué, un peu plus compliqué, un peu plus original, en entrée des cuisses de grenouille, ça passe. J'aurais donné des escargots, ça passe. J'aurais donné encore je sais plus quoi, ça passe. Bah, puisque tout passe, j'aurais fait du gras double au chablis. What is gras double? Oh, ils ont commencé à pâlir et ils ont jeté toutes leurs assiettes dans la grande gamelle. C'est parti aux poubelles. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, je pensais plus. Avec Elton John, je pensais plus. Vous étiez énervé? Ah, il m'énervait. Marie-Claude Magne, 2012. Comme il y avait beaucoup de monde qui occupait toutes les chambres, il y avait 57 pièces au château. Je ne sais pas combien de chambres exactement, mais... Un jour, il nous est arrivé plusieurs soirs de rentrer chez nous dans notre chambre et de trouver des couples dans notre lit. Donc, on a acheté la maison à côté. Pour voir la bergerie à Hérouville. Et c'est là où mon fils est né, Michael est né là. Et en 73, Michel a donné la gérance à Yves Chamberlain. Michel a plus voulu entendre parler de ça parce qu'il avait des choses à faire. Il en avait assez de passer 18 heures par jour à s'occuper du studio. Donc, nous sommes partis vivre à Saint-Paul-de-Vence. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé au château. Malgré sa réputation, le studio d'enregistrement a accumulé des dettes du fait d'une gestion aléatoire. En 1972, Michel Magne, lassé de s'être éloigné de son métier de compositeur, passe la main tout en restant propriétaire du château. Il laisse les fantômes d'Hérouville loin derrière, du moins le croit-il, et le studio continue désormais sans lui. Après 2 ans d'activité, la société de Michel Magne, qui gère le studio d'enregistrement du château d'Hérouville, est endettée. L'activité débordante et l'esprit festif ont peu à peu raison de la créativité musicale de Magne. Avec sa femme Marie-Claude, il part vivre dans le sud de la France, où il explore la peinture, la sculpture et le tressage de bandes magnétiques.